yes I. Woo! Suleiman. Coro baby quoi. Coro baby. Si vous faites pas vite, j'ai pissé ici, hein. Ouais, là, là, là, là, là, là, là, là. C'est le prince, c'est un port de Paris. Aziz Motema, Yoshi Kolomadini. Yagaloye, oh, oh, hene yagaloye. Oh, yagaloye, hene yagaloye. Coro baby quoi. Prince Masboro. On y va. Yes, a Tobina Kolongo. Yoso, lo gata Tobina. Tout le monde est content. Ce n'est pas ma faute. C'est comme ça Dieu m'a créé. Quand je chante, tout le monde est content. Y'a Nicolas. Ce n'est pas ma faute. C'est comme ça Dieu m'a créé. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Colo colo colo complet. Tout ce que l'on dit ouais ne va se réécrire pas bien à la gare. Victoria Elvie baby Philippe au plein niaiseau. Il est président roumain imbattable. C'est vrai. Moi j'ai dit quand je chante, tout le monde est content. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé. J'ai la légende. Quand je chante, tout le monde est content. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé. Yozo, yozo bien, soyez posé. Woo! Soyez posé. Yeah! Quand tu me donnes, tout le monde est content. Yozo. Ce n'est pas ta photo, c'est comme ça Dieu t'a créé. Hervé Poisson. Change de Madrid, ça m'a 6-5 étoiles. Faut que ce soit conseil, c'est n'a pas bien à clé. Ferdinand Euro, Manouche l'Allemand. Avix de Luce. Jack le riche, la mine c'est fa. Le riche entier. Justi Asoumi, Kada Diabagate. Deux fois mon lard, Abdul Jabba. Le ravier bébé choca. Anonymat le phénomène, Spyro le root boy. Mighty Lacoste, Yaya le Dijon. Chicago, Chicago premier, donnez-vous la main. Ismo le Milanais, Brico de Marseille. Yannick le pétrolier, Zenato Kofi. Zola, Zola, Zola, c'est pas la flèche. Dino le financier, Adou. Landry La Rochelle, Ahmed Choco, Wakane Wakane premier, Yakaroye, Yakaroye, Charlie l'argent, Salomé l'argent, l'amour c'est doux, Yakaroye, la gâteau Bluetooth feu, Yakaroye, Yakaroye, lance le diamanté, Yakaroye, si c'est le papa Jabé, c'est fa, Yakaroye, Yakaroye, carré de Cancun, yes I. C'est vrai que les bim est fausse note, mais les beaux sont coupés. DJ DMX, Jamal Young, un boy de Monaco, Abdullah le banquier, Mori la bosse islamique, et moi Moïse le pharaon. Christian Versace de Babielele, y'a deux sous la wagne comme à descendre, y'a l'homme sa masse pour la wagne au sende, kadam soba malabane, t'as brevet le l'homme soba dodo. Héros, Chico Arrobas, Abou Design, et dans le silencieux. Congo, Seigneur de le Seigneur des Congo, yeah, des Congo, le Seigneur des Congo, yeah, des Congo. Et puis t'en diras tu connais. Président c'est couché, le président ça perroye. Les comparables pirateurs, garçon illimité. Fouca, fouca. Puissance Kaouti, Don Diego, le Robin des Bois. Fouca, fouca. Mon âme, mon affaire, les femmes, oui, giga. Voici la danse de Toto Kom. Ibe Ibe le banquier MDL Willy Choco Choco Chocolaté Mario Cyril est mon camarade de tous les temps que son cardio Clément d'Assise Caméno Jean-Claude Liki le Dolade Mori le Moula Jérémy Kassi Ekoum Alexi Mbaz Fik Yak Alexi Voici la danse de Todogo Angelo Busta, Belo Belo, Sipi Dando Moïse, Arlon Gaza, Prince Le Paris, F.U.S. Qui s'en m'en confie malais, Snappelé les jeunes, Yannick Tibi Delola, Fatigue la punelle, Marie Paul et Moi j'ai dit quand je chante, tout le monde est content, ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé, quand je chante. Tout le monde est content.